La confiance est du baratin. Il restera un fidèle être humain malsain. Laissez-moi lui dire sur terre fleur un matin. Je dors au cul d'une oreille sur le sein de matin. Cramé dans la ville, quitte l'Africain. On va défendre le terrain comme un Mexicain. C'est malade et guette qu'on injecte après si bien. Fais pas le mec de test, ton père est plus que plein. J'ai fait des love, des love, des love. Zone cagoulé, je volais chez vos mères. J'ai fait des love, des love, des love. Cherchais mon oseille, personne me l'a donné. Elle a le regard qui tue avec les yeux bleus. Je la gère en deux secondes. Nos têtes sont cramées, contrôlées par les bleus. Toutes les deux secondes. Tu peux passer de la haine à un million d'euros en moins de deux secondes. T'as voulu faire le malin, faut que t'assumes mon vieux. Je reviens dans deux secondes. Plus ça avance, plus ça va. T'as reconnu le rebut tout en balmain. Le platine, ouais on l'a fait. Ils voulaient me voir échouer depuis gamin. Y'a des gens, tu les next direct par dégoût. L'amitié n'a pas de prix, poteau, garde tes sous. Ils ont le seum depuis que mon compte est full. T'as grave fait le fou, allez cassez-vous. J'ai fait des love, des love, des love. Zone cagoulé, je volais chez vos mères. J'ai fait des love, des love, des love. Cherchais mon oseille, personne me l'a donné. Elle a le regard qui tue avec les yeux bleus. Je la gère en deux secondes. Nos têtes sont cramées, contrôlées par les bleus. Toutes les deux secondes. Tu peux passer de la haine à un million d'euros en moins de deux secondes. T'as voulu faire le malin, faut que t'assumes mon vieux. Je reviens dans deux secondes. Elle a le regard qui tue avec les